côté des îles, en peau de lion, côté de Thionville, tu portes bien ton nom. Si tu viens d'ici et que ton sang est pur, je le suis aussi devant tes yeux azur. Ton string léopard me fait perdre la tête, avec lui je pars sur une autre planète. Ce soir je me rase, toi tu prends un bain, cette nuit dans la case nous serons bien. Non, ce n'est pas facile, ma beauté africaine, ma beauté des îles, je t'aime, je t'aime. Je t'écris cet aveu, du sang plein les doigts, du petit paresseux que j'ai chassé pour toi. Ton régime de banane te transforme en bouée. Tu n'es pas de la Louisiane, mais bien du Zimbabwe. Afrique, mon amour, mon amant, mon ami, je t'ai dans la peau et les pattes buitonies, ma jolie Périne. Peau de lion, ma beauté des îles, tu portes bien ton nom. Non, ce n'est pas facile, ma beauté africaine, ma beauté des îles, je t'aime, je t'aime.